musique et culture. C'est un rendez-vous pour bien débuter votre année. Samedi 4 janvier 2014, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, la première de 2014, je m'entretiens avec Guillaume Hébert de l'IRIS en première partie d'émission, puis Michaël Lessard du réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches en deuxième partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michel Lemonnette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Je vous souhaite une très bonne année 2014, une année de progrès social et de solidarité économique. Ça débute hélas toutefois mal puisque nous allons parler du salaire des patrons de la grande entreprise canadienne après ce qui suit. Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des Belois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Mais vas-tu toujours y avoir de l'eau dans mon vin? Y vas-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Quand le vent souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Y'en a qui ont tout, puis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça. C'était « Il va toujours y avoir » de Richard Desjardins. C'est tiré de son album « Boum Boum Desjardins ». J'ai au bout du fil Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour Guillaume Hébert. Bonjour. Bonjour et bonne année à vous ainsi qu'à l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Et, merci, bonne année à vous aussi. Oui, j'en profite justement pour vous demander d'expliquer à nos auditeurs qui vous êtes, ce que vous faites à l'IRIS, et on peut peut-être rappeler un peu ce qu'est l'IRIS dans un premier temps. Oui, bien sûr, l'IRIS, c'est un institut de recherche qui travaille les questions socio-économiques d'un point de vue progressiste. Le but de l'IRIS, c'est vraiment, ça a été de, quand ça a été fondé là, en 2000, ça a été de ne pas laisser le champ libre à tous les think tanks qui existaient déjà et qui avaient pas mal toute la même façon d'aborder l'économie, c'est un point de vue là, néolibéral, néoclassique, là, peu importe comment vous le nommez. Et par think tank, évidemment, ce que j'entends, c'est des instituts de recherche qui vont pas seulement intervenir dans la sphère de la recherche, de la connaissance, de la pensée, mais qui vont aussi intervenir dans le champ des communications. Donc, ils vont donner beaucoup de rayonnement à leurs travaux. Donc voilà pourquoi l'IRIS est là depuis maintenant 13 ans. Moi personnellement, l'IRIS, je travaille sur les questions de santé,

fois je pense que mon boss y est teigneux. Il dit que je devrais être reconnaissant d'attendre ou vivre d'être vieux. Non mais faut-tu manquer de bon sens? C'est quand même drôle, il paraît qu'on gagne sa vie. Mais moi j'ai rien gagné, je l'ai travaillé. Puis si jamais un jour je me rends au paradis, j'ai travaillé aux admissions, puis mon boss va brûler. C'était Petite vie, petite misère, Vilain Pingouin, Petite vie, petite misère, oui, quand on compare le salaire moyen à celui des grands patrons, et surtout quand on sait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Canadiens ne gagnent pas le salaire moyen, sont loin de gagner le salaire moyen. Rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps avant la pause publicitaire, je vais vous parler de la revue À bas bord. C'est une revue sociale et politique. Ce mois-ci, c'est un numéro sur spécial sur Noam Chomsky, scientifique et militant. Je vous invite fortement à vous procurer ce numéro. L'éditorial, d'ailleurs, est fort intéressant. Vaincre Harper, pourquoi? Ben, on l'a vu tantôt. On en a parlé avec Guillaume Hébert, Stephen Harper, qui a décidé de carrément de baisser l'impôt des entreprises, et avec le résultat que les déficits ont augmenté et les entreprises n'ont pas forcément réinvesti pour procurer davantage d'emplois ou en tout cas procurer des meilleurs salaires à l'ensemble de leurs salariés. Ils ont donné des meilleurs salaires aux grands patrons, aux gestionnaires, mais pas nécessairement à l'ensemble des salariés. Donc, cette revue, vous pouvez vous la procurer. Simplement, vous allez sur Internet, vous cherchez À bas bord. On va vous expliquer comment vous la procurer. C'est pas très compliqué. Et le prochain numéro, c'est un numéro spécial qui va porter sur les sujets dont il va être question à la journée d'études d'Attaque Québec, la journée d'études qui va avoir lieu le 2 février prochain. Je vous laisse pour la période de la publicité. On se revoit tantôt. On va parler du réseau du Forum social québécois avec Michael Lessard. À tantôt. OK. CKRL 89.1. J'ai fait cet étrange rêve où nous étions tous deux debout sous un ciel ténébreux à remâcher les mêmes vœux pris dans cette position fatale à se crier comme il fait mal de rester là. Cultive tes goûts. Le Ciccio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Ciccio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'opineur du chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... 20 ans d'écart. American Hustle. Arnaque à l'américaine. Dallas Buyers Club. Le démantèlement. Esclave pendant 12 ans. Fanny. Le Hobbit 2. La désolation de Smaug. Hunger Games, Catching Fire. Marius. Philomena. La Reine des Neiges. Ressac. The Secret Life of Walter Mitty. Sur la Terre des dinosaures 3D. Un château en Italie. La vie secrète de Walter Mitty. La voleuse de livres. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, la Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Nous sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Et je suis en compagnie de Michael Lessard. Bonjour, Michael. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Je me couche beaucoup trop tard de ce temps-ci. Mais... Oui, on a eu des fêtes un peu, c'est ça. Et puis, un peu tard, un peu froid, enfin bon, c'est en train de s'améliorer. Vous êtes un journaliste indépendant, mais aussi militant dans le réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches, notamment responsable du Média de la démocratie en action, que nous citons chaque semaine avec l'émission Les Grains de sable. Un mot d'abord sur le réseau du Forum social. Ben, j'avais envie peut-être de faire une mise en contexte un peu historique, oui. Mais très brève. Là. Oui. Juste pour rappeler un peu le contexte de l'époque, autour de 1999, les années 2000, dans le fond. Je ne sais pas si les gens se souviennent, il y avait un accord multilatéral sur les investissements. Oui. Qui avait un peu un effet d'électrochoc. Il y a beaucoup de citoyens, citoyennes à travers la Terre qui n'étaient pas nécessairement des gens engagés avant, qui ont trouvé la chose un peu étrange. Ça a fait réagir. Il y a eu des manifestations importantes en 1999 à Seattle, entre autres. Oui. Bougez pas, j'ai un petit problème de micro. Ça va. Bon, ça va aller mieux maintenant. Mais, grosso modo, il y a tout un... Beaucoup de mouvements sociaux, de groupes à travers le monde ont commencé à converger, à s'unir sur différentes questions autour de la solidarité internationale. Entre autres, il y avait les programmes d'ajustement structurel. Ça a l'air compliqué, mais en fond, c'est la Banque mondiale qui imposait à des pays en développement beaucoup de privatisation, entre autres. Dans beaucoup de cas, si vous me permettez l'expression, ça a floppé. Il y a des pays qui avaient privatisé leur éducation, sont revenus une éducation publique, etc. Donc, ça a soulevé tout un tollé. C'est une période assez tourmentée. Et ça donnait lieu, entre autres, au Forum social mondial, qui est en réaction au Forum de Davos, où les gens riches et célèbres se rencontrent une fois par année. Oui, on en entend beaucoup parler dans les médias. Rencontrent les politiciens pour faire valoir leurs intérêts. Exactement. Puis, donc, si je résume un peu, c'est l'idée qu'il y a comme une conscientisation que ce n'était pas la mondialisation au sens large et positif, mais que c'était plutôt l'imposition d'intérêts minoritaires, que j'oserais dire même égoïstes, à l'encontre du bien commun. Donc, un effritement de la démocratie. Et ça a soulevé beaucoup de questions, mais ça a eu comme effet positif beaucoup de convergence, de rassemblement au-delà des différentes idéologies ou groupes. Oui, et il y a eu le sommet en 2001 ici à Québec, le sommet des Amériques. Oui, pour est-ce que c'est à ce moment-là qu'est né le réseau ou un peu avant? En fait, à l'époque, c'était la coalition Opération Québec Printemps 2001. Okay. Puis c'est bon de me poser la question, parce qu'effectivement, c'est pas mal la naissance du réseau en réalité, parce qu'on a eu 34 organismes qui ont travaillé ensemble pendant plus d'une année, qui ont fait énormément d'activités, et c'est là qu'est né un peu l'esprit que qu'on soit environnementaliste, pour les droits humains, féministe, souverainiste, fédéraliste, etc. On est tous dans le même bateau. On a une bataille en commun. Oui. Donc le réseau est né et, depuis 2001. Le réseau fait différentes actions dans la région Québec-Chaudière-Appalaches. J'ajouterais peut-être un autre dernier petit point historique. Il y a eu le Forum social régional en 2002. Okay. Donc environ un peu plus de 200 personnes de Québec et de Chaudière-Appalaches qui se sont réunies. Ça a donné lieu surtout à une déclaration commune qui dénonce ce qu'on appelle le néolibéralisme. Je pense, je ne sais pas si on doit le définir maintenant, là, mais donc c'est l'idée que l'État doit se retirer, laisser la place à l'entreprise privée, que c'est le capitaliste qui va permettre finalement de résoudre l'ensemble des problèmes humains et non une approche plus collective de l'économie. Ouais. Ma propre définition, personnellement, je dirais que c'est un peu une tentative d'appliquer les théories économiques classiques. Capitaliste, et d'essayer de les appliquer à la société en général. Ce qui ne fonctionne pas nécessairement. Voilà. C'est ça. Voilà. En gros. Voilà. Donc, le réseau du Forum social Québec Chaudière-Appalaches est actif dans la région depuis 2001, on peut dire ça comme ça. Oui. Je me suis dit que je vais vous épargner 10 années d'histoire. Oui. Oui, on va en venir à, à aujourd'hui. C'est ça, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, là, mais si je résume, il y a un effort de rapprocher ce que j'appellerais les cercles. Oui. Comme j'ai dit un peu tantôt, là, que ce soit un réseau environnementaliste ou le réseau féministe, etc., etc., et les citoyens en général, rapprocher les gens. Je ferai un parallèle un peu avec Facebook. Le parallèle étant qu'on n'est pas nécessairement invité à tous les événements. À quelque part, sans se rendre compte qu'il y a des petits cercles qui se forment. Et j'en parle surtout pour plugger un peu le média du réseau. Qui est réseauforum.org. Réseauforum au singulier.org. Donc, on publie... C'est pas mal une activité essentielle. Donc, si j'épargne toutes les 10 années d'histoire, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? C'est un média communautaire sur Internet où les activités, les événements moindrement engagés ou moindrement communautaires de Québec et un peu Chaudière-Appalaches sont publiés. On en a publié pas loin de 10 000 facilement depuis l'époque, en continu. Donc, il y a beaucoup d'activités de solidarité à Québec. Et l'essentiel, puis ça, je pense que les gens le savent, là, c'est que c'est pas diffusé ou publié ailleurs. Les médias commerciaux ne publicisent à peu près jamais les activités citoyennes ou autres. Puis je faisais donc le parallèle avec Facebook, qu'il y a beaucoup de gens, des fois on oublie, je trouve, et c'est pour ça que je le mentionne, on oublie qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Beaucoup de gens quittent aussi. Et on n'est pas invité à tous les événements. Et je pense qu'on des fois, on perd de vue l'ensemble des activités. Puis nous, notre objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que les gens soient un peu plus conscients et conscientes des activités que les autres organisent. Et dans l'espoir que ça crée un peu plus de solidarité et de coopération entre les différents mouvements, entre autres. Oui, effectivement, et on utilise beaucoup ici l'agenda que vous alimentez régulièrement parce que c'est très utile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'essayais de trouver d'autres façons de savoir ce qui se passe dans la région de Québec et j'avoue honnêtement que c'est très difficile. Heureusement qu'il y a le média, la démocratie, c'est vous, qu'il y a le calendrier. Puis si j'enchaîne un peu sur le fait qu'à Québec, depuis toujours, il y a plusieurs coalitions, plusieurs collectifs de base. Et la philosophie du réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches, on évite de refaire la roue. On évite de dupliquer ce qui se fait déjà. On pense que c'est important de plutôt valoriser et appuyer ce qui se fait. Et puis je pense que le mot « mouvement » dans « mouvements sociaux » décrit bien la chose. C'est des trucs qui naissent, qui meurent, qui renaissent sans arrêt, qui changent de forme. Selon la conjoncture, selon les besoins. Donc, le réseau, on a persisté, entre autres, parce que la question se pose, pourquoi on existe encore 10 années plus tard, alors que le mouvement altermondialiste, on en parle peu, la forme des mouvements. Mais on va recommencer à en parler, là, il y a quelque chose qui s'en vient au Québec en 2016. Mais en fait, on peut dire que c'est un peu rené à travers le mouvement des indignés. C'est un peu une renaissance avec une nouvelle génération. Effectivement, Mais la raison qu'on persiste et signe, entre autres, il y a le média, mais c'est aussi parce qu'il y a des fois des causes orphelines Il y a des fois des sujets importants qui ne sont pas abordés par les coalitions ou groupes existants. Mm-hmm. Par exemple, on s'intéresse beaucoup à la question des minières et des pétrolières. C'est sûr qu'au Québec, on a la coalition pour que le Québec ait meilleure mine et de nombreux réseaux citoyens à travers les régions. Mais c'est sûr qu'à Québec, c'est moins le gros enjeu. Mm-hmm. On n'est pas une région très minière ou pétrolière. Mm-hmm. Mais on considère qu'il y a quand même des enjeux citoyens criants. Mm-hmm. À travers le monde. On sait que la majorité de l'industrie minière est étrangement canadienne. Des entreprises qui ne viennent pas réellement du Canada, là, mais qui s'installent la bourse. Oui, c'est ça. Elles ont toutes sortes de facilités ici, effectivement. Donc, elles préfèrent s'installer au Canada. Ouais. Notre amie... je déteste avoir un blanc comme ça. Je vais y revenir. Il y a eu Noir Canada qui Alain Denault. Alain, c'est ça, notre ami Alain Denault. Merci de me rafraîchir la mémoire. Notre ami Alain Denault nous en a parlé abondamment ici à l'émission et a publié quelques ouvrages là-dessus expliquant pourquoi les compagnies minières sont ici au Canada. Vous avez une activité qui s'en vient en 2014. Oui, oui. Benjamin, j'allais dire que on est quelques-uns à Québec qui ou quelques-unes aussi là, qui pensaient organiser peut-être un nouveau forum social à Québec. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en fait trois grands forums sociaux qui arrivent bientôt. Oui, c'est ça, oui. Donc on va plutôt mobiliser, on va plutôt inviter les gens à participer à ces forums-là. Puis je vais les nommer rapidement là. Oui. On a le Forum social des peuples qui est le prochain, qui lui est en août 2014. Donc quand même bientôt. Dans 8 mois. Le Forum social des peuples, c'est dans le fond Québec, Canada, Première Nation. Oui, c'est ça. C'est une rencontre de tous les peuples qui sont au Canada. Ouais. C'est ça. Tous les peuples au nord des États-Unis. Là. À août 2014, on va tenter peut-être de trouver des moyens du transport collectif. Permettre aux gens de s'y rendre à Ottawa, je crois. Hein, c'est ça. Oui, exact. Oui. Deuxièmement, le Forum social du Bas-Saint-Laurent en septembre, donc un mois plus tard, en 2014. Et je ne sais pas si les gens le savent, c'est un peu nouveau, Le Devoir en a parlé, là. Mais le Forum social mondial, incroyablement, va avoir lieu à Montréal. En 2016. Oui, exactement, à août 2016. Oui. Donc, une continuité, le mois à août semble... Alors, il va y avoir beaucoup de mobilisation à faire dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, en préparation de ce grand Forum social mondial à Montréal. Ça risque d'être assez fascinant. Oui. Finalement, ce 29 janvier, là, ce mois-ci, on organise une conférence qui s'appelle « Les minières du Nord, minières du Sud, mêmes enjeux ». Entre vous et moi, en fait, on voulait dire « même combat », mais on ne savait pas comment les gens interpréteraient ça. Oui. Mais c'est donc le 29 janvier à 19h au Tam Tam Café. Okay. On a Christian Simard. Ça, c'est Simard. Sur le boulevard Langelier, au coin Charest, Langelier. 421, boulevard Langelier, donc intersection boulevard Charest. Oui. On a Christian Simard de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, qui est aussi, si je ne me trompe pas, directeur général de Nature Québec. Et on a Ramsey Hart, qui lui vient de Mine Alerte, ou en anglais Mining Watch. Donc, on a invité les deux, vous comprenez pourquoi. On parle de faire le lien entre les problèmes que des gens subissent par rapport à des minières et des pétrolières au Québec et ailleurs dans le monde. Mm-hmm. C'est sûr que la forme d'oppression ou de violence que des gens peuvent subir ailleurs est différente et plus mortelle. Oui, parfois plus mortelle, effectivement, selon les pays. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Mais en même temps, si vous parlez à un petit propriétaire terrien au Québec... qui fait face à une compagnie tout seul, qui lui demande de passer une pipeline ou d'utiliser son terrain, les gens se sentent petits. Tout à fait. On a vu tout le débat d'ailleurs autour justement des redevances minières, mais aussi de la mise à jour de la loi sur les mines. C'est pas évident du tout. Qui est un progrès malgré tout. La réforme est quand même un pas vers l'avant. Des petites victoires finalement qu'on fait qui permettent aux choses de changer peu à peu. C'est ça. Oui. En 2014, donc, on va continuer à travailler là-dessus. En particulier, lié au fait qu'il y a beaucoup d'entreprises canadiennes et certaines, pas toutes, là, on s'entend, là, mais certaines commettent des crimes carrément à travers le monde. Oui. Et concrètement, le gouvernement Harper ne fait rien. Oui. Ne fait rien du tout. Ces compagnies-là n'ont aucun compte à rendre. Ils ont seulement des avantages et des bénéfices. Puis j'ose croire que beaucoup de ces entreprises-là sont d'accord avec nous, là. Que ces quelques minières-là délinquantes ou répressives ou qui ne respectent pas les gens causent problème, nuit d'ailleurs à l'image de cette industrie, entre autres. On pourrait, si vous le voulez bien, Michael, on pourrait terminer par les besoins financiers. Il y a quand même des besoins financiers du réseau. Ce n'est pas énorme, mais c'est important d'en parler quand même, du soutien dont vous avez besoin pour continuer de faire vivre le site, entre autres. C'est certain qu'on reçoit aucune subvention. On n'a pas demandé non plus à être reconnu comme organisme de charité, contrairement à d'autres. Là. Ouais. Question d'honnêteté intellectuelle, on est un réseau militant quand même. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, on vit exclusivement de dons, des contributions. Entre autres, il y a une trentaine d'organismes qui sont membres, qui cotisent, mais ça fait pas beaucoup d'argent en réalité. C'est très minime. Donc, effectivement, si vous allez sur le site web réseauforum.org, il y a des petits liens là, pour faire des dons. Mais l'autre contribution que je souhaite, c'est plus que les gens publient des activités. Ouais. On peut publier directement sur le média. Vous n'êtes pas obligé d'être organisateur ou organisatrice. Là. Il suffit que... Je prends un exemple. Il y a souvent des pièces de théâtre. Hein, je dis ça pour rappeler l'art engagé. Là. Uh-huh. Il y a des pièces de théâtre souvent qui sont d'intérêt public, qui abordent des sujets importants. Vous pouvez le suggérer, le publier. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des corrections techniques, j'améliore l'apparence, tout ça, là. Oui. Mais c'est une des meilleures manières de contribuer. Oui, tout à fait. C'est vrai, on n'y pense pas, mais il y a plein de choses qui se produisent ici dans la région de Québec et qui pourraient être rendues publiques grâce aux médias parce que c'est difficile de les rendre publiques ailleurs, comme vous l'avez souligné tantôt. Ben, Michael Lessard, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre passage à nos studios. Merci à vous. J'invite les gens à se rendre sur le média. Nous, en tout cas, on mentionne les activités et on mentionne l'adresse du média à chaque semaine, sauf exception. Et ça nous est très utile pour faire connaître ce qui se passe dans la région de Québec. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Michael Lessard du réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. On écoute « Il n'y a rien qui cite qu'on est bien » avec Richard Desjardins. Le petit coussin dans le coin, ça vient-tu de loin? Les beaux nuages de voir, si tu les bords? Êtes-vous ouvert depuis longtemps? Habitez-vous toujours chez vos amants? On est tellement bien qu'on sent mal un petit brin. Y'a rien qui sait qu'on est bien. Le beau miroir où ce qu'on a l'air plus jeune qu'on est, c'est plaisant. Louez-vous toujours des canaux volants. Où c'est qui sont les autres? Quelque chose de bon d'entrevision. La fin du monde ou bien quelque chose. Va prendre la chambre avec un lac dedans. Y'a pas de soin, y'a rien qui cite qu'on est bien. Solo. Fini. Me demande où c'est qu'elle est, à se demander où c'est que je suis. On se lave du bien plus vite, ah oui, là où est-ce que on a le droit de tout dire ici, même la vérité. On a le droit de tout faire, même rien. Y'a rien qui sait qu'on est bien. C'était Richard Desjardins, y'a rien qui sait qu'on est bien. À surveiller cette semaine, on va parler avec Michael Lessard du réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. Eh bien, grâce au calendrier média de la démocratie en action, la démocratie c'est vous, produit par le réseau du Forum social de Québec-Chaudière-Appalaches, nous vous présentons chaque semaine des activités qui sont à surveiller dans la région de Québec. Il y en a quand même si c'est encore un peu au ralenti. Je crois que ça va reprendre vraiment. On le voit quand on visite le site du calendrier, le www.reseauforum.org/grille-calendrier. On voit qu'à compter de la semaine prochaine, à compter de samedi, dimanche, lundi prochain, pas cette semaine, l'autre, on voit que ça commence à se remplir davantage. Mais il y a tout de même la revengeance des duchesses partie de financement le 4 janvier à 20h. Ça, c'est au bar Le Sacrilège, au 447 rue Saint-Jean à Québec. 8 femmes vêtues de manière très colorée, variées, un peu punkées, avec des manteaux d'hiver derrière elles, un mur avec des graffitis. Voilà, ça vous donne un peu une idée de si vous connaissez pas la revengeance des duchesses. Mais peut-être que vous n'êtes pas nécessairement... Peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la revengeance des duchesses. Mais c'est un peu une contrepartie à cette activité qu'il y avait eu pendant des années, qui est disparue et qu'on essaie de revenir. On essaie de, que le Carnaval de Québec essaie de remettre en vigueur cette année, mais avec pas beaucoup de succès, si on le voit bien. Par contre, la revengeance des duchesses a quand même un certain succès. Et ce samedi, on se retrouve ce soir, dès 20h, au bar Le Sacrilège, pour célébrer la fin de la période des fêtes en beauté. Et après, c'est la soirée de financement de la revengeance. Sinon, le 5 janvier à 20h, ça c'est au bar Coop La Gîtée, au 251 rue d'Archester à Québec, il y a Tidré, le film. Alors, Tidré, le film, c'est Luc-André Godbout, mieux connu sous le nom de Tidré, qui est un orphelin de 43 ans qui décrasse les fournaises et les consciences. Parfois, les consciences ont besoin d'être davantage décrassées que les fournaises. Le voici présenté grandeur nature dans un film tout imprégné de ce personnage hors de l'ordinaire. Si je vous dis le ramoneur des pauvres, ça va probablement vous rappeler quelque chose. Mais c'est lui. Et oui, Luc-André Godbout, c'est le ramoneur des pauvres qui habite le quartier Saint-Sauveur à deux pas du centre du Rocher, menacé de démolition. Ça va pas bien. Ce sera suivi d'une discussion sur notre attachement envers nos quartiers centraux et sur Saint-Sauveur en particulier. C'est un film d'Annick de Bellefeuille. Et la diffusion du film est présentée par le collectif Subversité. Ils ont un blog d'ailleurs, le collectif Subversité. Allez chercher collectif Subversité, c'est Subversité, S-U-B-V-E-R-C-I-T-E. Vous allez tomber sur leur blog. Vendredi de poésie, finalement, le 10 janvier à 20h30, c'est au Tam Tam Café, 421 boulevard Langelier, c'est à l'angle du boulevard Charest-Est à Québec. On a parlé d'ailleurs du Tam Tam Café pour une activité qui va avoir lieu à la fin janvier. On va sûrement vous reparler de cette activité là sur les minières dont nous a parlé Michael Lessard. Comme le veut la coutume, vendredi de la poésie du TAP, la scène libre suivra la première partie avec des poètes invités. Quoi de mieux que la poésie pour déballer la nouvelle année? Venez avec nous renchérir en découverte, nous disent les organisateurs. Réconfort et en chaleur. Les poètes invités, c'est Mireille Gagné, Amélie Prévost, qui est de Montréal, et Jean Sioui. Nous accueillons aussi, disent-ils, une ou un poète d'une autre région chaque mois. Dans ce cas-ci, c'est Amélie de Montréal qu'ils accueillent. Ça, c'est intéressant. Alors, les vendredis de poésie du TAP sont des rencontres en poésie sans cérémonie, tout en convivialité, animées de façon simple, mais spontanée, parfois drôlatique et souvent inattendue. Enfin, pour nous aider... se délecter. Comme le veut la coutume, la scène libre suivra la première partie avec des poètes invités. C'est déjà le mot de la fin. Merci à Guillaume Hébert, chercheur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique à Montréal. Merci également à Michael Lessard du Média de la démocratie en action et de la démocratie. C'est nous. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, Le Grain de Sable QC. Notez bien l'adresse parce qu'elle a changé. Le Grain de Sable QC en un seul mot, .wordpress.com, où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il fera grandement plaisir de vous lire si vous vous rendez sur le blog et que vous nous écrivez. Vous pouvez aussi nous écrire sur le compte Twitter @grainsableqc ou sur notre page Facebook. Nous avons mis un lien pour vous y rendre, d'ailleurs, nous avons mis un lien sur notre blog pour vous rendre sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook et pour vous rendre aussi sur le site d'Attaque Québec. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, legrain de sable en un seul mot, @yahoo.com. ou directement sur notre blog. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. C'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite de passer d'ici là une belle semaine. Et demeurez avec nous pour l'émission qui suit, les Cheek contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Okay. CKRL 89.1. Appelle-moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter sonner le silence du téléphone. Appelle-moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter tomber le bruit de la pluie d'automne. Les feuilles d'érable jaunes ou bien rouges incendies qu'on ramassait dans un cartable parce qu'on les trouvait si jolies. Dis-moi si moi aussi, à la dernière page d'un cahier, tu m'as laissé tout aplati avant de m'oublier. Appelle-moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter sonner le silence du téléphone. Appelle-moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter de la pluie d'automne. Cultive tes goûts.